La pièce d'argent. Tu n'as rien perdu, poil des carottes? Non, maman. Pourquoi tu dis non tout de suite sans savoir? Retourne d'abord tes poches. Il tire les doublures de ses poches et les regarde pendre comme des oreilles d'âne. Ah oui, maman, rends-le-moi. Rends-moi quoi? Tu as donc perdu quelque chose? Je t'ai questionné au hasard et je devine. Qu'est-ce que tu as perdu? Je ne sais pas. Prends garde, tu vas mentir. Déjà, tu divagues comme une ablette étourdie. Réponds lentement. Qu'as-tu perdu? Est-ce ta toupie? Juste, je n'y pensais plus. C'est ma toupie, oui, maman. Non, maman, ce n'est pas ta toupie. Je te l'ai confisquée la semaine dernière. Alors, c'est mon couteau. Quel couteau? Qui t'a donné un couteau? Personne. Mon pauvre enfant, nous n'en sortirons plus. On dirait que je t'affole. Pourtant, nous sommes seuls. Je t'interroge doucement. Un fils qui aime sa mère lui confie tout. Je parie que tu as perdu ta pièce d'argent. Je n'en sais rien, mais j'en suis sûre. Ne nie pas. Ton nez remue. Maman, cette pièce m'appartenait. Mon parrain me l'avait donnée dimanche. Je la perds, tant pis pour moi. C'est contrariant, mais je me consolerai. D'ailleurs, je n'y tenais guère. Une pièce de plus ou de moins. Voyez-vous ça, père horreur. Et je t'écoute, moi, bonne femme. Ainsi, tu comptes pour rien la peine de ton parrain qui te gâte tant et qui sera furieux? Imaginons, maman, que j'ai dépensé ma pièce à mon goût. Fallait-il seulement la surveiller toute ma vie? Assez, grimacier! Tu ne devais ni perdre cette pièce, ni la gaspiller sans permission. Tu ne l'as plus? Remplace-la. Trouve-la. Fabrique-la. Arrange-toi. Trotte, et ne raisonne pas. Oui, maman. Et je te défends de dire oui, maman, de faire l'original. Et gare à toi si je t'entends chantonner, siffler entre tes dents, imiter le charretier sans souci. Ça ne prend jamais avec moi. Poil de carotte se promène à petits pas dans les allées du jardin. Il gémit. Il cherche un peu et renifle souvent. Quand il sent que sa mère l'observe, il s'immobilise ou se baisse et fouille du bout des doigts l'oseille, le sable fin. Quand il pense que Madame Lepic a disparu, il ne cherche plus. Il continue de marcher pour la forme, le nez en l'air. Où diable peut-elle être cette pièce d'argent? Là-haut, sur l'arbre, au creux d'un vieux nid? Parfois, des gens distraits qui ne cherchent rien trouvent des pièces d'or, on l'a vu. Mes poils de carotte se traîneraient par terre, useraient ses genoux et ses ongles sans ramasser une épingle. Là, d'errer, d'espérer il ne sait quoi, poil de carotte jette sa langue au chat et se décide à rentrer dans la maison pour prendre l'état de sa mère. Peut-être qu'elle se calme et que si la pièce reste introuvable, on y renoncera. Il ne voit pas Madame Lepic. Il l'appelle, timide. « Maman ! Hé, maman !» Elle ne répond point. Elle vient de sortir et elle a laissé ouvert le tiroir de sa table à ouvrage. Parmi les laines, les aiguilles, les bobines blanches, rouges ou noires, Poil de carotte aperçoit quelques pièces d'argent. Elles semblent vieillir là. Elles ont l'air d'y dormir, rarement éveillées, poussées d'un coin à l'autre, mêlées et sans nombre. Il y en a aussi bien 3 que 4. Aussi bien 8. On les compterait difficilement. Il faudrait renverser le tiroir, secouer les pelotes, et puis, comment faire la preuve? Avec cette présence d'esprit qui ne l'abandonne que dans les grandes occasions, Poil de carotte résolu allonge le bras, vole une pièce et se sauve. La peur d'être surpris lui évite des hésitations, des remords, un retour périlleux vers la table à ouvrage. Il va droit, trop lancé pour s'arrêter, parcourt les allées, choisit sa place, Il perd la pièce, l'enfonce d'un coup de talon, se couche à plat ventre et, le nez chatouillé par les herbes, il rampe selon sa fantaisie, il décrit des cercles irréguliers, comme on tourne les yeux bandés autour de l'objet caché, quand la personne qui dirige les jeux innocents se frappe anxieusement les mollets et s'écrie « Attention, ça brûle, ça brûle !»« Maman, maman, je l'ai !»« Moi aussi ?»« Comment ?»« La voilà !»« La voici !»« Tiens, fais voir !»« Fais voir, toi !» Poil de carotte montre sa pièce, Madame Lepic montre la sienne, Poil de carotte les manie, les compare et arrête sa phrase. C'est drôle. Où l'as-tu retrouvé, toi, maman? Moi, je l'ai retrouvé dans cette allée au pied du poirier. J'ai marché 20 fois dessus avant de la voir. Elle brillait. J'ai cru d'abord que c'était un morceau de papier ou une violette blanche. Je n'osais pas la prendre. Elle sera tombée de ma poche un jour que je me roulais sur l'herbe faisant le fou. Penche-toi, maman. Remarque l'endroit où la sournoise se cachait, son gîte. Elle peut se vanter de m'avoir causé du tracas. Je ne dis pas non. Moi, je l'ai trouvée dans ton autre paletot. Malgré mes observations, tu oublies encore de vider tes poches quand tu changes d'effet. J'ai voulu te donner une leçon d'ordre. Je t'ai laissé chercher pour t'apprendre. Or, il faut croire que celui qui cherche trouve toujours, car maintenant tu possèdes 2 pièces d'argent au lieu d'une seule. Te voilà cousue d'or. Tout est bien qui finit bien. Mais je te préviens que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, je peux aller jouer, maman? Sans doute. Amuse-toi, tu ne t'amuseras jamais plus jeune. Emporte tes 2 pièces. Oh, maman, une me suffit. Et même, je te prie de me la serrer jusqu'à ce que j'en ai besoin. Tu serais gentille. Non, les bons comptes font les bons amis. Garde tes pièces. Les 2 t'appartiennent, celle de ton parrain et l'autre, celle du poirier. À moins que le propriétaire ne la réclame. Qui est-ce? Je me creuse la tête. Et toi, tu as une idée? Ma foi, non, mais je m'en moque. J'y songerai demain. À tout à l'heure, maman, et merci. Attends, si c'était le jardinier, veux-tu que j'aille vite le lui demander? Ici, mignon. Aide-moi. Réfléchissons. On ne saurait soupçonner ton père de négligence à son âge. Ta sœur met ses économies dans sa tirelire. Ton frère n'a pas le temps de perdre son argent, un souffon entre ses doigts. Après tout, c'est peut-être moi. Maman, cela m'étonnerait. Tu ranges si soigneusement tes affaires. Des fois, les grandes personnes se trompent comme les petites. Bref, je verrai. En tout cas, ceci ne concerne que moi. N'en parlons plus. Cesse d'être inquiétée. Cours jouer, mon gros, pas trop loin. Tandis que je jetterai un coup d'œil dans le tiroir de ma table à ouvrage. Poil de carotte, qui s'élançait déjà, se retourne. Il suit des yeux un instant sa mère qui s'éloigne. Enfin, brusquement, il la dépasse, se campe devant elle et, silencieux, offre une joue. Madame Lepic, sa main droite levée, menace ruine. « Je te savais menteur, mais je ne te croyais pas de cette force. Maintenant, tu m'en doubles. Va toujours, on commence par voler un œuf, ensuite, on vole un bœuf. Et puis, on assassine sa mère. » La première gifle tombe.